Les compétitions sportives pour le prix Potenbo Fepul qui ont été ouvertes le 2 juin viennent d'être clôturées. La cérémonie de clôture a eu lieu le 30 juin à l'arrondissement de Fungnam de la ville de Hamon dans la province du Hamgyong du Sud en présence des officiels intéressés, des sportifs et des travailleurs de Hamon. Le club sportif 25 avril a gagné la coupe ambulante de tournoi tandis que les meilleures équipes et joueurs ont reçu les médailles.